to be so easy to give my heart away. But I found out the hard way there's a price you have to pay. Long ago, Thank you. Thank you.

longtemps la lumière. Partout autour de nous, autour de toi, et de la terre. Un jour je partirai toucher les étoiles et les autres soleils. Ce bruit sans prévenir, pas trop fort, si un peu d'effort, c'est plus fort. Allez, go. Je partirai

Thank you. l'avais pas lu, j'avais les paroles. Alors je ne savais pas ce que tu marquais. Et c'est toi qui as balancé ces accords. Thank you. Thank you. Thank you.